David s'endort avec ses pères. Il est enterré dans la cité de David. Salomon prend place sur le trône de son père et sa royauté se trouve solidement affermie. Il s'allie par mariage avec le pharaon d'Égypte en épousant sa fille. Il l'installe dans la cité de David en attendant d'avoir terminé son palais, le temple du Seigneur et le mur d'enceinte de Jérusalem. Un jour, le roi se rend à Gabaon pour y faire un sacrifice. Il offre sur cet autel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, le Seigneur lui apparaît en songe. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Vous avez accordé largement votre faveur à votre serviteur David, parce qu'il marchait fidèlement à votre présence dans la justice et la droiture de son cœur à votre égard. Veuillez donc me donner un cœur intelligent, capable de juger votre peuple et de distinguer entre le bien et le mal. Car sans cela, qui pourrait juger votre peuple, un peuple si nombreux? Parce que tu m'as adressé cette demande, parce que tu n'as demandé ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais bien l'intelligence de savoir exercer la justice, je vais réaliser ton souhait. Je te donne un cœur sage et intelligent, si bien que tu n'auras pas eu d'égal avant toi et que tu n'en auras point après toi. Je te donne en outre ce que tu n'as pas demandé, les richesses et la gloire, si bien que tu n'auras point d'égal parmi les rois pendant toute ta vie. Et si tu marches dans mes voies, si tu observes mes préceptes et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai ta vie. Tout Israël aimait la justice du roi et était rempli de respect pour lui. On voyait que la sagesse divine l'inspirait. Un jour, deux prostituées viennent se présenter devant lui. Monseigneur, écoute, nous habitons cette femme et moi dans le même logis, et j'y accouchais près d'elle. 3 jours après, elle aussi s'est accouchée. Or, nous vivons ensemble. Il n'y avait avec nous dans cette maison aucun étranger, il n'y avait là que nous deux. Pendant la nuit, le fils de cette femme est mort parce qu'elle s'est couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit pendant que ta servante dormait. Elle a pris mon fils qui était près de moi et l'a couché dans son sein, tandis qu'elle a couché dans le mien son fils mort. Le matin, je me suis levée pour donner le sein à mon enfant et je l'ai trouvé mort. Mais en le considérant attentivement à la lumière, j'ai vu que ce n'était pas l'enfant que j'avais mis au monde. C'est faux! Celui qui est vivant, c'est mon fils. C'est le tien qui est mort. Non, c'est ton fils qui est mort et c'est le mien qui est vivant. Toi, tu dis, c'est mon fils qui est vivant et c'est le tien qui est mort. Et toi, tu répliques, non, c'est ton fils qui est mort et c'est le mien qui est vivant. Eh bien, apportez-moi une épée. Coupez en deux l'enfant vivant, donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Ah, mon Seigneur, qu'on lui donne l'enfant qui vit. Ne le faites pas mourir. Il ne sera ni à toi ni à moi. Partagez-le. Donnez à l'autre femme l'enfant qui vit, ne le faites point mourir, car c'est elle qui est sa mère.